l'exhaleur. Si j'écris ça, c'est que ça me tenait à cœur. Et dans le fond, y'a peu de personnes que j'aurais peur de perdre. Et la tendresse qu'il me reste contemple ce cœur de 9 mois pour arriver, me faudra toute la vie pour la quitter. Pour ceux qui m'ont pris comme je suis, qui ne m'ont jamais quitté, qui me suivent de près. Peu importe la distance qui nous sépare, mais qu'on sera ensemble tant qu'on est vivant. Mon frère vous le dira, mes proches sont en or et ne rouillent pas. Y'a des sourires qu'on n'oublie pas, comme au mot face à Louisa. On va manger le monde comme on déguste les petits plats Benita. Tout en famille c'est vital de voir prospérer l'héritage. Ça me tient à cœur d'être serré par les petits bras de Clara. Et Nani, sache que je serai toujours là pour toi d'ici à là. Je te l'ai jamais montré, mais tu m'as toujours servi d'exemple. C'est le même sang qui remplit nos cœurs depuis la naissance. C'est pour celle qui l'a fait battre, mon ange Marie, qui m'a inculqué ses valeurs, a pris le sens de la vie. Et ne me dites pas que l'amour est mort quand il s'est pété les vertèbres. Il est intouchable, je l'ai encore vu dans les yeux de ma mère hier. Quand le cœur prend la parole, c'est difficile de le faire taire. Je le laisserai parler tant que le temps ne viendra pas l'arrêter. Quand le cœur prend la parole, c'est difficile de le faire taire. Je le laisserai parler tant que le temps ne viendra pas l'arrêter. Au lieu de savourer la haine, je dirais que j'aime les jaloux. J'avoue que tout ça me tient à cœur, autant que cette chienne de Nalou. Ça me tient à cœur à l'heure où j'écris ça même. Je pense à vous qui m'avez soutenu sans compter, qui m'avez tracé la route. C'est pour ceux qui misent sur moi, tous ceux qui m'ont parrainé. Et ouais, ça me tient à cœur, vu qu'il n'y a pas de honte à aimer. Je sais très bien que tout n'est pas rose pour passer le temps à rêver, mais je me dois de rester entier pour celle qui m'a allaité. Et dans le fond, y a peu de personnes que j'aurais peur de perdre. Et la tendresse qu'il me reste contemple ce cœur de pierre. Et à présent, il n'y a plus qu'elle qui peut le comprendre. Prison naturelle que j'ai dans la peau, je m'en contente. Et dans le fond, y a peu de personnes que j'aurais peur de perdre. Et la tendresse qu'il me reste contemple ce cœur de pierre. Et à présent, il n'y a plus qu'elle qui peut le comprendre. Prison naturelle que j'ai dans la peau, je m'en contente. C'est pour Julien Bocquet, cet homme sage et honorable. On en aura tapé des barres pendant l'apéro de l'abordage. A cramé sous le soleil au bord du lac des Charons. Aussi mémorable que l'hospitalité de ta daronne. En hommage à la bravoure qui partage mon parcours. Ça me tient à cœur la chaîne du riff et la bague de Mamoun. L'amour s'étend au-dessus des lois, donc je l'approuverai sans fin. Un morceau de ma vie est né avec ce bout de pierre en main. Et dans le fond, y'a peu de personnes que j'aurais peur de perdre. Et la tendresse qu'il me reste contemple ce cœur de pierre. Et à présent, il n'y a plus qu'elle qui peut le comprendre. Prison naturelle que j'ai dans la peau, je m'en contente. Ça me tient à cœur et ça me défend des fois même. Toujours en quête de la foi même. Qui veut la paix prépare la guerre sans refrain. Donc je ferai ça, je cherche ces lignes avec ce cœur de pierre en main. Comme à l'époque où je me forgeais au fond de la cave à vin. Alors qu'il est, ça me tient à cœur. L'exhaleur avec ce cœur de pierre en main. Les prisons naturelles, je m'en contente. Ça y a quelqu'un qui peut le comprendre.